un site archive.org sur lequel vous trouverez une centaine d'émissions archivées de Rock de Neurone. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une belle semaine et vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurone. Cette émission vous a été présentée en rediffusion. Pour une programmation plus complète, visitez cfou.ca. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou. 89.1. Compte à rebours est une émission dédiée aux contes et aux nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tous les mercredis matins à 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du conte Dracula? Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Bon congé à tous les étudiants trifluviens et trifluviennes de la place. Bienvenue à mon émission, c'est Dans ta face, Marc Gagné qui est avec vous pour vous présenter du rock francophone, de la musique émergente. Puis là, cette fois-ci, là, je vais vous surprendre là, parce que j'en ai trouvé des bons. Là. J'en ai vraiment trouvé des bons. Je suis fier là, de la nouveauté que j'avais jamais entendue avant, que là, je retrouve puis que je fais comme « Hey, c'est pourquoi j'avais jamais découvert ça avant? » Mais en tout cas, il faut que je le dise, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Alors, c'est ça, quand même, qu'est-ce que j'ai à raconter hein, d'écouter un peu de musique? Drôle de semaine difficile qui est quand même passée la semaine passée, hashtag moi aussi, hein, vous savez, tous les cas d'agression qu'on a entendu parler, particulièrement Gilbert Rozon. Ça a pris du temps hein, avant que finalement il aille sa claque dans la figure là, d'émission à Juste pour rire. Ça trouble, ça fait peur un peu pour certains humoristes parce qu'on sait c'est quoi Juste pour rire quand même. Mais moi, je fais juste finaliser ça avec le hashtag moi aussi. C'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, voilà un an, c'était l'histoire des Judras qui avait vraiment fait parler parce qu'on avait su que Claude Judras avait été aussi quelqu'un qui avait fait des agressions sexuelles dans son passé. Puis à cause de ça, ils ont dû changer la soirée des Judras pour le gala du cinéma québécois. Et parlant de cinéma, c'est quelque chose que je vais vous parler dans pas trop long à mon émission. Des petits mots pour vous faire relaxer. Bien évidemment, on est en semaine de lecture. Vous n'allez pas me faire à croire que vous êtes en train d'étudier en ce moment. Là. Non, non, non. Sûrement que vous veillez tard, vous couchez tard, vous vous levez tard. Puis c'est qui le plus fort? C'est moi qui garde le fort. Toutes des affaires de même. Puis un petit spécial Halloween pour vous foutre la chienne. J'aime bien ça, moi, faire peur aux gens, tout comme je fais peur à tous les jours. Fait que c'est ça mon émission, c'est dans ta face. Je commence avec un groupe que j'aime bien, un groupe qui me fait capoter, un groupe que j'ai pas fini d'écorcher cet album-là. On y va avec Gros Money, la chanson « Venus ». We'll be right back. On vient tout juste d'entendre Zouz avec la chanson Grenouille Clope, et tout de suite avant ça, il y avait Galaxy avec la chanson Chuck Berry. Eh oui, ça, c'est, ça remonte vraiment à un vieil album, là. C'est Le Temps du Point Mort que ça s'appelait, dans le temps où ça s'appelait Galaxy 500, puis qu'ils ont dû changer ça pour Galaxy. C'est de là que la chanson vient. Et Gros Manet, une chanson assez connue de ce groupe de musique, Venus. Vous êtes à l'émission C'est dans ta face, Marc Gagné qui est avec vous à la radio Campus 89.1, c'est fou. Et justement, je vous parle de petites affaires comme ça. Je suis tombé là-dessus en faisant mes petites recherches. Un nouveau mot, mais un mot qui contient de l'anglicisme. Oh, hey, ça, c'était peurant. L'Halloween s'en vient dans pas long, tu sais. Puis on parle un peu de ça. C'est une référence à ceux qui passent leur repas. Vous savez, hein, on consomme 3 repas par jour, normalement. Ou 2 pour certains qui s'y sont habitués. Ou 4 pour certains qui vont au gym. C'est comme vous voulez, bon. Mais c'est quelque chose qui mêle anorexie et alcool. Et justement, d'après les fameuses études qui ont été trouvées dans le magazine britannique The Independent, ils ont créé la drunkorexie. La drunkorexie, je ne sais pas trop comment le dire en français. Je pourrais dire la sourorexie. Ou la alcoolorexie. Anyway, je veux pas trop niaiser avec ça. Mais c'est une étude qui a été parue récemment. Et les personnes visées, ceux qui font vraiment beaucoup ça, là, passer un repas pour aller boire une couple de pintes d'alcool avec leur chum de filles, c'est des filles. Particulièrement, ça a été noté là-dedans. Puis justement, ils trouvent que c'est une bonne idée parce que bon, ça l'aide à réduire leur rapport calorique alimentaire. Mais bon, ok, je vais vous raconter certains faits. Ça peut marcher, puis ça marche. Parce que d'après l'étude, ils racontent que c'est pas vraiment un problème de trouble alimentaire, mais en même temps, ça l'est. T'sais, parce qu'il y en a que ça passe, puis il y en a que ça casse. Ça y va un petit peu comme ça. Si on regarde, par exemple, le nombre de calories qu'il y a dans une pinte de bière, en moyenne, 197 calories. Ce qui équivaut à une pointe de pizza, par exemple. Et si on regarde pour un verre de vin, peut-être qu'un verre de vin, c'est moins calorique. On va regarder ça ensemble. Ça équivaut aux mêmes portions caloriques qu'une crème à glace. Mais là, pour être honnête avec vous, je ne sais pas vraiment c'est quoi la moyenne calorique d'une crème à glace. Mais c'est quasiment la même affaire. Ça a été trouvé dans le Drinkware. Et bon, alors là où je veux en venir, ok, ils disent que c'est un problème connu comme trouble alimentaire, mais en même temps, ils savent pas vraiment. Mais ça reste que c'est pas bon pour la santé, passer un repas pour aller se prendre quelques pintes d'alcool pour bien sûr sauver certains apports caloriques. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Blablabla, c'est les symptômes, oui, c'est ça. Il y a des symptômes en plus dans la drunkorexie. Waouh, ouais, c'est ça. Ça peut également inclure des crises de boulimie. What? Non, mais là, vraiment, c'est l'étude qui me dit ça. Écoutez, moi, je vous raconte des faits comme ça. Et bien sûr, autre fait que je peux vous raconter sur l'alcool, et particulièrement la drunkorexie, c'est que vous savez que ne pas manger avant de boire de l'alcool ne fait qu'augmenter l'état d'ébriété. Ah, alors c'est pour cela que c'est toujours important de manger avant, bien sûr, de prendre une bonne pinte d'alcool. Juste comme ça, j'en parle comme ça. Puis pour finir... oui, on raconte qu'une pinte de bière, ça peut à peu près remplacer un repas, mais c'est pas tous les alcools qui contiennent les calories nécessaires, tu sais, les calories, comme je pourrais dire, alimentaires, entre parenthèses, parce qu'il y a beaucoup de types d'alcool que les calories dedans, c'est des calories vides qu'ils appellent. Alors, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, tu sais, comme on le dit, manger modérément, mais aussi buvez modérément et aussi buvez intelligemment. Ah, crime, hey, j'ai d'autres études qui ont été parues concernant l'alcool. Waouh, ouais, il y a tellement de choses qui avancent à mon émission, c'est fou pareil. Il y a une étude qui a été parue d'après des chercheurs de l'Université de Liverpool, qui est de l'Université Maastricht et du King's College de Londres. Toutes des jeunes, ils ont observé en fait 50 jeunes Allemands

sentiments. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Le blog écoutedonc.ca se transporte à la radio. Karina Tardy et ses collaborateurs vous attendent chaque mercredi sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire de découverte musicale et de critique de spectacle de la région tous les mercredis de 18h à 20h avec écoutedonc.ca. Fidèle à son habitude, la Maison de la culture de Trois-Rivières présente une programmation 2017-2018 riche et variée. Voyez-y de la chanson avec entre autres Philippe B, Tire le Coyote, Béris, Geoffroy et Émile Bilodeau. Laissez-vous surprendre par les spectacles de danse des compagnies K-Public et Virginie Brunel. Et initiez vos enfants et vos ados au théâtre grâce aux séries Théâtre Enfant-Jeunesse et Exitéâtre. Pour la programmation complète, consultez enspectacle.ca. Une présentation de Cogeco. Patriotes en action. Pour l'actualité sportive universitaire et amateur, les jeudis matins à 11h sur les ondes de CIFOU. C'est fou! 89.1. De retour à mon émission, c'est dans ta face à la Radio Campus, c'est Fou 89.1. Vous êtes avec Marc Gagné à mon émission, hein, qui se fait de 15 à 16 heures. Beaucoup de musique qui vient de passer, quand même du très bon rock. On venait tout juste d'entendre, avant les publicités, Les Guerres de l'amour, que ça s'appelle la chanson un peu disco. C'est Les Guerres de l'amour, que ça s'appelle, groupe de Montréal avec des danseuses. Ils sont hallucinants quand on les voit live, puis sont beaux à voir. Avant ça, il y avait Félix Diotte avec sa nouvelle chanson « Je cours ». En compagnie de Evelyne Brochu. Ouais, c'est ça, une chanson avec Evelyne Brochu. Et sortie de l'album Plastrer la Lune de Fred Fortin, on a entendu Dolorama. Alors, c'est ça, vous êtes à l'émission C'est dans ta face, Marc Gagné qui est là, à la radio, c'est fou. Je vous parle un peu de cinéma, mais pas là, dans quelques instants. Pour l'instant, j'ai envie de vous faire écouter la nouveauté de Octoplot, qui viennent toujours de sortir leur nouvel album. On va écouter Héros ou Ennemi à la radio 89.1. S'il y a du son. Je n'aurai pas la traque de qui est au monde, non. de fuir son nom. Et si le temps me blesse, que l'air est lent, oh, on est là, plongé au fond. Héros ou ennemi, personne peut le savoir. Héros ou ennemi, qui est à compter les corps. Héros ou ennemi, personne peut le savoir. Ça, ça frappe pareil. On vient toujours entendre la nouveauté de Octoplot, Héros ou Ennemi, à la radio Campus. C'est fou, 89.1, vous êtes à l'émission C'est dans ta face, Marc Gagné qui est là. Spécial chronique cinéma, vous savez, le temps passe, les années avancent et de plus en plus on rend hommage à certains de nos bons vieux auteurs, compositeurs, interprètes québécois. Oui, parce que bientôt, ils vont sortir un film sur Félix Leclerc. Ça me tentait de vous en parler, justement. Ça va s'appeler « Pieds nus dans l'aube ». Justement, quelque chose qui a été réédité du premier roman de Félix Leclerc, paru en 1946. Donc, c'est ça, je vais y aller un petit peu bref avec l'histoire. C'est l'histoire de Félix Leclerc qui passe sa 12e année. Et là, il doit bien sûr bientôt partir de la TUC. Alors, c'est un peu l'histoire qui raconte un peu son attachement pour son petit village préféré, le petit village où il a grandi. Ça se déroule à l'été 1927. Puis c'est lui et son meilleur ami Fidor qui fait le rôle de Julien Leclerc. Et également Félix Leclerc et le jeune qui fait... c'est Justin Lérôle Bouchard qui fait le rôle de Félix Leclerc. Quel autre acteur qu'il y a dans ce film qui a l'air si intéressant? Oh, Roy Dupuis. Roy Dupuis est là. Claude Legault est là. Robert Lepage aussi est là. Tous des artistes qu'on connaît bien. Ah oui! Je sais pas si vraiment faut que je prenne la peine de dire ça, mais pour ceux qui connaissent pas Félix Leclerc, dans les vieilles années, c'est lui qui avait composé pas mal des premiers succès québécois, genre Moi et mes souliers, L'hymne du printemps, Le petit bonheur. Pour ceux qui n'ont jamais entendu la chanson, la reprise de Groovy Aardvark, qui avait fait une reprise de Félix Leclerc, Le Petit Bonheur, ben c'est eux autres, c'est Félix Leclerc qui l'a composé, puis que Groovy Aardvark a ensuite repris de façon assez métal. Alors c'est un film Pieds nus dans l'aube, c'est un film réalisé par Francis Leclerc. On voit qu'il y a déjà un lien familial, Francis Leclerc. Et également scénarisé par cet homme, mais aussi scénarisé par Fred Pellerin. Ouais, ce qui rend encore plus le film beaucoup plus intéressant. Et ça sort bientôt, hein, pendant que c'est la semaine de lecture. Pour ceux que ça intéresse, c'est là. Et d'autres hommages d'artistes québécois, une grande pionnière de la chanson québécoise, celle-là là, qui chantait là, en fredonnant La Bolduc. Eh ouais, ça a bien l'air qu'ils vont faire un film sur La Bolduc. Ben en fait... Ils vont faire un film sur La Bolduc parce que la bande-annonce est sortie. Puis vous savez, quand il y a une bande-annonce, ça égale qu'il y a un film qui va sortir. C'est Debbie Leach White qui va faire justement le rôle de La Bolduc. L'une des premières pionnières québécoises. Quand même, ça brosse pas mal dans les films de la culture québécoise. C'est fou. On la connaît bien sûr pour toute chanteuse folklorique. Ça s'est passé dans les années 20, les années 30. Beaucoup de choses qui bougeaient dans ce temps-là parce que je pense qu'il était dans un fond de crise. C'était pas mal l'époque où il y a eu les premiers pas de la lutte pour les droits des femmes, des choses comme ça. Donc, c'est un film qui sort bientôt, réalisé par François Bouvier, qui avait déjà réalisé Paul à Québec, qui est aussi un film que je conseille. C'est Frédéric Ouellet qui signe le scénario en collaboration de Benjamin Alix, André Rouleau, Valérie Dauteuil. Alors, un film quand même doté d'un budget de 5,7 millions de dollars. Moi, c'est quand même étonnant. Et ça prendra l'affiche en 2018. Alors là, c'est encore loin, mais pendant ce temps-là, il y a Pieds nus dans l'aube qui sort bientôt. Alors, je vous le conseille, coudon. Ben, en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et justement, ça me tentait d'y aller avec une reprise de chanson de Félix Leclerc qui a été faite par Ludovic Allary, très connu pour son album « L'appartement ». Justement, cette chanson est dans cet album-là. On va écouter « La vie ». Thank you. On vient tout juste d'entendre Brise-Glace du groupe de musique Pony, que ça s'appelle, à la Radio Campus 89.1. C'est fou. Et c'est l'émission C'est dans ta face, là, où je vous montre, je vous fais écouter, en fait, plusieurs chansons rock, très underground, pareil. Puis je vous avouerai que je suis très fier de mon émission ces temps-ci, parce que ça brasse pas pire, puis c'est pas fini, j'ai encore d'autres affaires à vous faire écouter. Vous savez, l'Halloween s'en vient dans pas trop long, puis ça me tentait un peu de préparer quelque chose de cocasse, comme ça, tu sais, cocasse, très familial. Moi, vous foutez la chienne pour l'Halloween qui s'en vient dans pas long. As-tu barré tes portes? As-tu des clés de char? T'as-tu perdu ta carte de crédit? T'as-tu tout ton cash? As-tu ton portefeuille? As-tu ton cellulaire? Ton cellulaire! Où mon cellulaire? Bon, je l'assume en tout. Il fallait absolument que je vous montre ça. Cette fameuse capsule, je me suis dit, tiens, l'Halloween s'en vient dans pas long. Fait que, tiens, je vais y aller sur des petites peurs qu'on a toutes de même. Savez-vous, c'est quoi le mot qu'on définit pour ceux qui sont vraiment, genre, accros à leur cellulaire? Tu sais, que quand tu leur enlèves, ils angoissent puis ils capotent. Ils appellent ça de la nomophobie. Nomo, N-O-M-O-F-P-H-O-B-I-E. Et hein, on dirait que je suis dû pour reprendre ça, moi, une épreuve uniforme de français. Mais ouais, c'est ça, de la nomophobie. Alors, ça me tentait un peu de rire un peu comme ça. Puis, tiens, pourquoi pas parler de caries ensemble? Parce que, tu sais, on mange des bonbons, puis c'est de même. Ha ha ha, c'est la vie. Chronique des chiffres! Les chiffres! Les chiffres! Les chiffres! Les chiffres! Les chiffres! Des millions, toi! Des millions! Alors, pour tous ceux qui ont encore toutes leurs dents dans la gueule, je vous rappelle que vous avez à peu près un total de 32 dents. Ça inclut 8 incisives, ça c'est les 4 supérieures et 4 inférieures, 4 canines, 2 supérieures et 2 inférieures, 8 prémolaires, dont 4 supérieures et 4 inférieures, et 12 molaires, dont 6 en haut et 6 en bas. Puis les 4 dents de sagesse font partie des molaires. Hein. Pour ceux qui se sont fait enlever leurs dents de sagesse, ça fait mal, mais des fois c'est correct. Puis après ça, tu t'es comme pogné avec un moton de un moton blanc dans le fond de la gueule qui prend tout ton sang. Puis là, il faut pas que tu craches parce que sinon, ça crée des infections, qui est quand même assez désagréable. C'est sûr et certain que moi, me faire enlever mes dents de sagesse quand c'est l'Halloween et que je trouverais pas ça le fun. Mais c'est ça. Alors, c'était juste ça. C'était juste ça, ma chronique sur les chiffres. Hein? Ma tête est en papier de ripper. On écoute ça. Salut, bonjour, j'ai nau pis mon café. Ma tête est en papier, je tourne toute la journée. Salut, bonjour, j'ai nau pis mon café. Ma tête est en papier, je tourne toute la journée. Salut, bonjour, j'ai nau café coco. Grosse nouvelle, Céline est fatiguée. En plus, elle utilise le mascara tendance de l'an passé. Vu tout remords, le monde arrête pas de tourner. La matante est contente, tout est matantisé. Ma tête est en papier, je tourne toute la journée. Salut, bonjour, j'ai nau pis mon café. Ma tête est en papier, je tourne toute la journée. Salut, bonjour, Gina ou piment café. Ma tête est en papier, je te mets toute la journée. Salut, bonjour, Gina ou café coco. Il n'y en a rien que si vous envoyez deux, noyez l'autre. We'll be right back. ça, c'est 5 minutes 38 de bien rentrer dans ta face. Non, mais vraiment, là, ça torche. On vient toujours d'entendre Mardi Noir de l'album L'œil de la tempête. C'était des jours et des mois, puis je suis étonné. Vraiment, là, ça rock garage. Et avant ça, il y avait Ripé, Ma tête est en papier. Super de bonnes chansons. Hey, je vous annonce que c'est déjà tout pour moi, mais restez là parce que dans quelques instants, encore de la musique émergente avec l'émission Les Pas Sortables. Je vous laisse avec une autre petite chanson rock que j'avais donc plaisir de vous faire écouter. Les Goules, la chanson Côte de cuir. Bonne journée à vous, trifluviens et trifluviennes. On écoute ça. Jack chez Maurice, la baraque sur la côte, chacun sa pile de cash, puis la main sur le côte, on joue aux cartes sous les tropiques, en attendant Carlos, je fais des tracks de péruvienne, avec les autres dans mon côte de cuir, côte de cuir. Y'a des pitounes